Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, le bagne des enfants. Le 12 avril 1937, le journal Ce Soir publie un article au titre qui interpelle « Des enfants souffrent encore ». Ils souffrent dans des bagnes que l'opinion publique condamne et que le ministre de la Justice aussi condamne. Le journal parle d'indignation des colonies pénitentiaires, Maitrey, Loos, l'Islette à Guillaume, Hesse, Agnan et bien sûr Belle-Île-en-Mer où c'est connu. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, mais c'est si joli, Belle-Île-en-Mer. Belle-Île, qui appartint à la famille de Retz, puis à celle des Gondy avant de devenir la propriété de Fouquet qui se la vit confisquée par le roi Louis XIV, Belle-Île, citadelle avancée de la côte française, fut maintes fois attaquée par les flottes anglaises et hollandaises. Vauban se devait d'y construire quelques-unes de ses fortifications, auxquelles son nom restera attaché. Belle-Île, c'est avant tout le tourisme. Tout d'ailleurs y contribue la variété des sites, la douceur du climat, les joies de la pêche sur les rochers, les longues promenades sur le bord de la mer, tantôt calmes, tantôt déchaînées. Il est dur de quitter Belle-Île. Pourtant, il faut partir, mais en songeant déjà à un prochain retour. Belle-Île-en-Mer, évoquée dans Bretagne Actualité, nous étions en 1966. Bonjour Véronique Blanchard. Bonjour Xavier Mauduit. Ah, c'est beau Belle-Île. Magnifique. Il n'y a pas à dire. Pourquoi une colonie pénitentiaire à Belle-Île-en-Mer ? Pourquoi une colonie pénitentiaire ? Oui. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, c'est une île. Alors, c'est certes une île paradisiaque aujourd'hui, mais à l'époque, c'est surtout un lieu isolé. Et les colonies agricoles pénitentiaires ou les colonies maritimes pénitentiaires cherchent des lieux isolés, isolés de la ville. Et quoi de mieux qu'une île comme Belle-Île pour enfermer des enfants ? Julien Hillion, bonjour. Bonjour. Et puis à Belle-Île, il y avait déjà une prison. Exactement, la prison de Haute-Boulogne qui a été ouverte en 1848 pour accueillir des détenus adultes révoltés des journées révolutionnaires de juin. Et puis l'ouverture de la colonie, en fait, c'est une opportunité. L'administration pénitentiaire était un petit peu jalouse de ses cousines occidentales d'Amérique ou d'Angleterre qui avaient des écoles de mousse. Alors, à la fin du 19e siècle, quand la Troisième République a été mise en place, eh bien, ils ont sauté le pas et voulu varier, en fait, les formations professionnelles en ouvrant donc une colonie à Belle-Île, en récupérant les bâtiments qui étaient destinés à la prison pour adultes. D'ailleurs, à partir de quel moment commence-t-on à séparer dans notre longue histoire pénitentiaire les enfants des adultes ? Il y a un moment où on se dit ce n'est pas exactement la même chose, on va créer des établissements spéciaux. Oui, il y a tout à fait un moment. Il y a d'abord les premiers codes pénaux qui vont différencier la question pénale pour les mineurs et les majeurs, avec une minorité qui se place à 16 ans à l'époque. Et puis surtout, il va y avoir les premières lois en 1820 qui vont demander à séparer les enfants des adultes dans les prisons de France. On va créer des prisons spécifiques d'ailleurs. Comme on va avoir du mal à créer ces quartiers pour mineurs, on va créer des prisons spécifiques. Et puis, tout au long du début du 19e siècle, 1840, puis la fameuse loi dont on reparlera de 1850, on invente, on pourrait presque le dire comme ça, la notion du placement des enfants. Et les premiers placements, c'est ces colonies agricoles pénitentiaires. Au début du 19e siècle, dans ces années 1820, Véronique Blanchard, au moment où sont créées des institutions spécialisés dans les enfants, des prisons pour enfants. Est-ce que le mode d'incarcération est le même que les adultes ? Est-ce que c'est simplement créer deux bâtiments séparés et puis on fait la même chose avec les deux ? Ou est-ce qu'on réfléchit à comment on va faire pour des petits-enfants ? Non. Au départ, on réfléchit surtout à séparer les majeurs, les adultes, les vieux briscards, les vieux brigands et les enfants. Cette promiscuité du vice n'est plus envisageable. Et donc, on va vraiment séparer dans la même prison. On va, soi-disant, créer des quartiers mineurs, séparer des majeurs. Mais on a énormément de mal à rendre les choses hermétiques. Il faut attendre écoutez-moi bien, il faut attendre 1990 pour que réellement la séparation des mineurs et des majeurs dans les prisons françaises soit effective. Et c'est essentiellement pour les garçons une réalité. Ce n'est pas encore totalement une réalité pour les jeunes filles aujourd'hui en France. Donc on a beaucoup de mal à créer une prison qui aurait des spécificités pour l'enfance. Et c'est comme ça qu'on va aller vers les colonies agricoles pénitentiaires au milieu du 19e siècle. Oui, parce que c'est une histoire genrée qui s'écrit. Ces prisons que nous évoquons avant même la mise en place des colonies pénitentiaires sont des prisons plutôt pour les garçons. Qu'est-ce qu'on fait des petites filles? Alors, vous savez bien que les jeunes filles sont nettement moins délinquantes que les garçons, Xavier. Je le sais. En tout cas, dans la perception sociale, les jeunes filles ne sont pas perçues particulièrement comme délinquante ou violente. Ce qui pose problème, c'est qu'elle ne respecte pas toujours les normes de genre, c'est-à-dire la pureté, la virginité, ce qu'on attend de leur sexe. Et donc, on va plutôt confier les jeunes filles qui posent problème dans des institutions avec des religieuses, dans des institutions religieuses. Et donc, la question de l'enfermement ne se pose pas de la même manière pour les filles et pour les garçons. On ne peut pas dire qu'il y ait eu des colonies agricoles pénitentiaires pour les filles. Il y a eu des écoles de préservation, qui étaient des établissements publics, et on y reviendra. Sinon, il y a eu des bons pasteurs, qui ont été des congrégations religieuses, qui ont pris en charge, sur demande de l'État, des jeunes filles considérées comme déviantes, plus que comme délinquante, d'ailleurs. Oui, la séparation des Églises et de l'État n'est pas encore d'actualité sur ce que nous évoquons. Dites-nous, Véronique Blanchard, vous nous avez dit qu'au moment de séparer les adultes et les enfants, il y a la volonté d'éviter toute contagion du mal à des adultes vers les enfants. Mais à l'intérieur même des prisons pour enfants, et là je parle encore des prisons, je pense à la Roquette ou tant d'autres prisons, la Roquette à Paris, il y avait la volonté même de séparer les individus. Oui, alors la petite Roquette est une expérience très originale. En ce début du 19e siècle, on fait entrer des enfants dans une prison spécifique que pour des enfants à partir de 1836. Et vous avez raison, c'est la petite Roquette, rue de la Roquette. Et donc dans cette prison, on va essentiellement être sur le principe de l'isolement et du silence. Ça vient des États-Unis, c'est ce qui s'appelle le système auburnien. Et on va au maximum enfermer les enfants seuls dans leurs cellules. Ce qui est une très grande nouveauté par rapport à la question carcérale et pénitentiaire, ça n'existe quasiment pas pour les adultes à l'époque. Avec l'idée de mettre en place des colonies pénitentiaires, vous avez évoqué, Véronique Blanchard, cette date de 1850, cette année. Qu'est-ce qui se passe en 1850? Il y a une loi qui est promulguée et qui instaure en France les colonies, l'encadrement des colonies agricoles pénitentiaires. La première des colonies que vous avez citée tout à l'heure, c'est Maitré. Elle arrive sans loi. C'est une initiative privée. Et à partir de 1850, l'État considère que c'est comme ça qu'il faut faire pour les mineurs déviants, délinquants, non discernants. On reviendra sur ces notions peut-être. Et donc, la loi va installer en France ce placement à la campagne professionnelle et disciplinaire qui va devenir le modèle de la prise en charge des garçons déviants et délinquants au cœur du 19e siècle. Et c'est au départ une initiative privée. 1850, 1880, Belle-Île-en-Mer qui, elle, une institution publique, puisque dans la loi, on prévoit que si le privé ne parvient pas à répondre à la demande, alors le public pourra aussi créer des institutions. Ces institutions, ce sont les colonies pénitentiaires. Allez, on repart de... France Culture, le cours de l'histoire. Et en silence. Véronique Blanchard, la mise en place d'institutions spécialisées, ces colonies, naît du privé. Alors ça, c'est très intéressant de se dire que c'est le privé qui désire une colonie. Quelle est la motivation? Parce que c'est de l'argent quand même. Alors c'est quoi? C'est dans un délire de charité? Sauver les enfants? Délire, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment un moment de réflexion philanthropique autour du redressement et de la correction des enfants. C'est quand même aussi un moment où on considère que l'enfant n'est peut-être pas forcément un adulte en miniature. On considère, la loi le dit, les codes pénaux le disent, qu'il y a une minorité pénale, que le sort des enfants qui ont commis des infractions infraction à la loi et peut-être à prendre en charge différemment de celui des adultes. C'est l'idée du redressement. Et donc, ces premières colonies agricoles pénitentiaires vont insister sur le travail, la discipline et l'éloignement. L'initiative privée, ben, c'est vraiment voilà, des hommes comme de Metz qui vont se dire qu'il y a là un champ philanthropique à franchir et qu'il y a, alors, et certainement effectivement, hein, de l'argent à mettre, mais il y a aussi l'idée que petit à petit, ces enfants vont produire et que s'ils produisent, ils produiront une forme de richesse pour la colonie. Très vite, la loi de 1850 va permettre à l'État de payer un prix de journée pour chaque enfant placé, ce qui change la donne en termes économiques. Avec Maitret. Maitret, donc ça, c'est une initiative privée. Oui. C'est la première colonie. Donc, qu'est-ce qu'on a à Maitret ? C'est quoi l'idée dans cette mise en place d'une colonie agricole pénitentiaire ? Bah, l'idée de Metz et des autres philanthropes qui créent Maitret, c'est vraiment cette idée d'abord de l'éloignement du vice. C'est quoi le vice à l'époque ? C'est la ville et la famille. On va éloigner l'enfant de la ville qui est mauvaise et de sa famille qui ne sait pas, famille prolétaire, populaire, ouvrière, qui ne sait pas l'éduquer. Ça, c'est la première idée. Là, donc, on est loin des villes, on est en pleine campagne. Ensuite, c'est le travail. Et on a vraiment une volonté dans ces colonies agricoles de mettre les enfants au travail, voire de les former. Et on pourra en reparler sur la réalité de ce qui se passe dans les colonies. Et puis, il y a aussi, bien sûr, on n'est pas dans des colonies de vacances, on est dans des colonies, c'est-à-dire que les enfants sont tous ensemble, mais on est dans des colonies disciplinaires, des colonies pénitentiaires. Donc, il y a une forme de discipline qui va permettre le redressement moral de ces enfants. Maitret, c'est en Indre-et-Loire. Et qu'est-ce qu'on y fait à Maitret ? Quand je fus conduit à la maison de correction de Maitret, j'avais 15 ans et 17 jours, et je venais de la petite Roquette. Nous ne savions pas que les journées de prison étaient de pauvres journées, que les macs enfermés avaient des pâleurs maladives, qu'ils étaient boursouflés et malsains, et que le plus jeune et le moins costaud des gaffes se faisait un jeu de les battre jusqu'à ce qu'ils demandassent grâce avec une humilité de chien affamé. Les prisons sont peuplées d'ombres qui vont de long en large dans la cellule, de la porte à la fenêtre, silencieuse, glissant plutôt que marchant sur des chaussons de drap. On ne jouait jamais. Toute notre activité avait des buts pratiques. Confection d'un cirage plus brillant pour nos sabots, recherche dans la cour d'un silex pour le briquet. Je pleurerai d'émotion au souvenir de ces 50 grandes personnes qui nous gardaient, nous regardaient, ne nous comprenant jamais, car elles jouaient avec foi leur rôle de tortionnaire, et les 300 gosses qui les roulaient. Jean Genet, Miracle de la Rose. Une lecture par Charlie Nelson, c'était dans Les Chemins de la Philosophie en 2003. Dites-nous, Véronique Blanchard, quand Jean Genet, colon de Maitret, évoque ces tortionnaires, mais qui jouaient leur rôle avec foi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une lecture de condamnation des colonies pénitentiaires quand on essaie de comprendre la motivation de ceux qui les ont mises en place. Ceux et celles, hein, parce que vous l'avez bien dit, initiative privée, il y a de l'argent. C'est aussi participer à un redressement d'une partie de la population, donc du pays. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment très important de se remettre dans le moment. Comme toujours en histoire, il s'agit véritablement, dans les premières expériences des colonies agricoles, de trouver une autre solution que l'enfermement carcéral et pénitentiaire des mineurs. C'est-à-dire prendre en compte l'enfance, l'innocence. Certains historiens ont parlé d'innocents coupables. Et c'est vraiment cette perception-là que les contemporains ont. Et donc, ils veulent sortir les enfants de la prison pour les mettre au champ, autre expression d'historien, et par la nature, par le travail, on va redresser l'enfance. Et donc, c'est une forme de moralisation très importante et progressiste à l'époque. Après, on pourra réfléchir sur ce que deviennent ces expériences et ce tout enfermement, ce qu'il produit comme violence vis-à-vis des enfants. Mais oui, au départ, c'est une utopie du redressement et de la correction des enfants, très différente de la prison et de l'enfermement cellulaire. Dans une société qui peut être violente facilement avec les enfants dans l'ensemble des familles, des rues, la violence peut être présente. Elle va se retrouver dans ces colonies pénitentiaires. Quels sont les enfants qui arrivent dans ces colonies? Ils ont fait quoi pour être là? Alors, plusieurs choses sont possibles. La loi s'affine tout au long du 19e siècle. Essentiellement, ce sont des enfants, sans que je rentre trop dans les détails, non discernants. C'est-à-dire que la loi considère qu'un enfant de moins de 16 ans peut ne pas avoir totalement conscience de la gravité des actes qu'il a posés. Il est donc non discernant, non coupable et envoyé en correction jusqu'à ses 21 ans pour justement être redressé, pour retrouver le bon chemin. On a beaucoup de petits vagabonds, de petits voleurs et on a aussi, on y reviendra avec Julien Hillion, pas des figures criminelles, mais des parcours qui sont avec des délits un peu plus importants, parfois des crimes, mais c'est rare dans les colonies agricoles pénitentiaires. Et pour les jeunes filles, parce que je n'aimerais pas qu'on oublie les jeunes filles, même si elles sont dans les bons pasteurs, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement des questions liées à leur sexualité et au féminin. Oui, parce que c'est une histoire, on l'a bien dit, extrêmement genrée, parce que la société a une lecture genrée de tous ces enfants. Et la loi civile permet de placer ces enfants, garçons ou filles, dans le cadre de la correction paternelle. Donc nombre sont les jeunes filles, mais aussi les garçons, à être placés dans ces institutions suite à des graves mécontentements de leurs parents. Mais que sont ces colonies pénitentiaires, ces bagnes pour enfants, direction Belle-Île-en-Mer. France Culture, le cours de l'histoire. Belle-Île-en-Mer, Marie Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mon Ceylan. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Oh, oh, oh, oh, oh. Xavier Mauduit. Dès qu'on parle de Belle-Île-en-Mer, bien sûr, vient en tête la chanson de Laurent Voulzy. Ici, c'était par Philippe Catherine. Sauf que pendant longtemps, Belle-Île-en-Mer, c'était Passage Julien Hillion. Dites-nous, quel est ce bataillon des nuisibles? C'est le titre de votre ouvrage, hein, Les pupilles de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, 1880-1918. Alors bataillon, parce que la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, comme la plupart des colonies à la fin du 19e siècle, sont organisées en bataillons scolaires. Les bataillons scolaires ont été créés pour l'ensemble de la population, pour les enfants, hein, en 1882, dans l'idée de trouver une forme de préparer la revanche contre la Prusse, hein, après la défaite de 1870, dans l'idée qu'il y avait une forme de dégénérescence morale en fait des populations, qu'il fallait préparer les enfants à la guerre. Assez rapidement, 10 ans, donc c'est très rapide pour l'époque, on décide de supprimer ces bataillons scolaires parce qu'on considère qu'ils sont une caricature dangereuse de l'armée. Alors concrètement, un bataillon scolaire, pour le cas de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, l'appel d'abord au clairon le matin et toute la journée rythmée par le clairon, des appels en rang, on se déplace au pas militaire, on apprend la musique militaire par l'intermédiaire de la fanfare, c'est-à-dire tambour, clairon et trompette, dans l'idée qu'une fois sorti, le pupille pourra trouver une place au régiment. Et puis on a des grades, surtout des grades, c'est-à-dire qu'on a des pupilles qui sont sergents, qui sont, pour certains, on trouve un caporal. Tout cela évidemment sous forme de récompense, avec également, et là c'est peut-être l'aboutissement de ce bataillon scolaire, tous les dimanches, la parade militaire qui se fait avec des fusils factices, des armes factices qui sont achetées en gros, hein, pour toutes les colonies pénitentiaires, des armes en bois, et même certaines armes qu'on monte et qu'on démonte et qui sont évidemment pas données aux pupilles toute la journée. Donc on a un petit régiment, une caserne très imparfaite. Ça, c'est le bataillon. Cette colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer est fondée en quelle année? Elle apparaît quand? Parce que nous l'avons bien dit, hein, la loi de 1850 met en place les colonies pénitentiaires. Belle-Île-en-Mer, c'est pas une des premières, c'est-à-dire qu'il y a déjà des connaissances et des expériences qu'on peut appliquer. Exactement. Alors, la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer ouvre en 1880, donc au début de la Troisième République. L'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'ouvrir une école de mousse en France. Il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été faites, notamment sur l'exemple de ce qui se passe en Angleterre, un pénitencier flottant à la Tremblade, en fait, en Charente-Maritime. Alors, l'idée, c'est d'avoir des garçons qui sont sur un bateau, encadrés par par des militaires et qui apprennent le métier de marin pour ensuite rejoindre la marine. Sauf que l'armée donne un bateau qui est complètement abîmé et qui peut même pas naviguer, donc le projet est abandonné. Et en 1880, alors que la prison pour adultes de Haute-Boulogne est en train de perdre ses détenus et qu'on parle localement de la fermer, le conseil municipal de Palais se mobilise. Il faut trouver une solution parce qu'une prison, c'est une opportunité économique pour l'île. Alors, localement, il y a une famille très connue qui s'appelle la famille Trochu, dont l'un des membres a dirigé le gouvernement français en 1870, qui a une ferme à proximité de la colonie et qui fait une offre à l'administration pénitentiaire. Est-ce que ça vous intéresse de louer la ferme pour la mettre à disposition des détenus ? Eh bien, l'opportunité est saisie et on crée, alors ça aurait été quand même un peu dommage de pas tenter le coup à Belle-Île, la fameuse section maritime qui manquait à l'administration pénitentiaire. Et au fil du temps, dans les congrès pénitentiaires internationaux, Belle-Île va supplanter Maitrey. Petit à petit, Belle-Île devient l'étendard de l'éducation correctionnelle. On vend ça comme une réussite totale et absolue. On a pris des petits vauriens, on les a amenés à Haute-Boulogne, ils sont devenus des marins obéissants et maintenant ils vont grossir les rangs de l'armée pour défendre la nation. Ah oui, bah c'est QFD quoi. Voilà. Haute-Boulogne, c'est bien à Belle-Île-en-Mer, parce que Belle-Île-en-Mer, bien sûr, c'est une île, mais avec une géographie, avec Palais, qui est la commune. Enfin, le centre par où tout le monde passe quand on arrive à Belle-Île. Exactement. Alors, pour celles et ceux qui connaissent Belle-Île, quand on arrive dans le port de Palais, on a la citadelle Vauban. Le site de Haute-Boulogne est juste à droite. Ça, c'est le centre, en fait, de la colonie. Là où on trouve l'administration, les dortoirs, le réfectoire, les cellules disciplinaires. Ensuite, on a la ferme de Bruté qui se situe à 3 km dans les terres, dans laquelle les pupilles vont chaque jour à pied jusqu'à ce qu'on ait des dortoirs sur place. Et entre les deux, il y a le château Fouquet qui sert de cachot, qui est une maison très austère et assez terrifiante. Avec de la géographie à Belle-Île, bien sûr, mais une géographie qui couvre l'ensemble des possessions françaises. Véronique Blanchard, le pays, mais même l'Empire, se couvre de colonies pénitentiaires. Oui, c'est vraiment à partir des années 1850 un modèle de prise en charge des mineurs déviants. Et donc, on va avoir jusqu'à La Réunion, jusqu'à sur l'île de La Réunion, des colonies agricoles pénitentiaires privées, là aussi, montées à La Réunion par la congrégation des Spiritains, et qui va exister pendant une vingtaine d'années. L'Islette à Guillaume ferme ses portes, si j'ose dire, puisque là on est dans la montagne, sur un pic perché, ferme ses portes en 1880, comme Belle-Île en mer ouvre. Oui, avec des existences plus ou moins longues sur ces colonies pénitentiaires. Et quand on regarde un peu toute cette chronologie, on voit bien qu'il y a beaucoup d'expériences, et puis ça s'arrête, et on part ailleurs. Mais alors, un petit côté marin à Belle-Île-en-Mer, c'est la Bretagne, il y a une vraie logique. Maitrey, c'est l'agriculture, mais on retrouve cette agriculture à Belle-Île-en-Mer. On essaie, en fait, du point de vue des autorités ou de certains privés, de faire au mieux pour redresser la jeunesse. Beaucoup d'expérience, en fait. Oui, beaucoup d'expérience, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'échecs aussi, parce que d'abord, il n'est pas si simple de tenir ensemble des collectifs de 100, 150, 200, 300 enfants. Il n'est pas toujours simple d'avoir du personnel à disposition. Il n'est pas toujours simple d'avoir un équilibre budgétaire, économique de ces colonies. Il y a certaines colonies qui vont à peine durer une dizaine d'années, et puis d'autres, comme Maitrey ou Belle-Île, qui vont s'étendre sur 30, 40, 50, 100 ans. Et puis avec les habitants du coin qui voient arriver comme ça, donc une colonie pénitentiaire qui s'installe avec tous les colons, évidemment parfois ça fait peur. Mon mari était bellilois, ma belle-mère bellilloise, donc j'ai entendu beaucoup parler, mais ils avaient la terreur des colons. Je vous dis, personne ne quittait une pièce enfermée à clé. Mais oui, mais ils avaient peur parce que c'était des mauvais sujets. Leur principe, ce n'était pas les bons sujets qu'ils mettaient. C'était un peu la prison, quand même. Mais enfin, ça protégeait les autres de mauvais sujets. Je crois que c'est ça. C'était une protection. Je ne vois pas en quoi ça aurait pu les améliorer, mais enfin. Les habitants de Belle-Île face aux colons, c'était sur France Culture dans l'émission Pot-au-feu au début des années 2000, ce qui veut dire que la mémoire de ces colons et de cette colonie était restée, Julien Hillion. Oui, bien sûr, ceux qui sont dans la colonie pénitentiaire sont victimes d'une image extrêmement négative, mais c'est celle qui est véhiculée par l'ensemble de la société sur cette jeunesse qui n'entre pas dans les cadres. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Maintenant, attention, les pupilles de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer ne sont pas des dangereux criminels. La plupart d'entre eux sont des vagabonds, des mendiants et des petits voleurs, c'est-à-dire qu'ils ont commis un délit. Souvent d'ailleurs, on dit que ce sont des orphelins qui sont à Belle-Île. Le critère, c'est le délit. C'est pas un orphelinat, hein, c'est une prison qui fait suite à une comparution devant un tribunal. Les criminels sont très peu nombreux. Maintenant, on assiste quand même à une évolution de la population au début du XXe siècle. C'est-à-dire que le juge, à partir de 1905, a plusieurs solutions quand il a un enfant devant lui. Il peut le rendre à sa famille, il peut le laisser dans une prison classique, il peut l'amener en colonie pénitentiaire et il peut également l'amener à l'assistance publique. Si bien que les petits mendiants, les petits vagabonds, les petits voleurs vont plus souvent aller dans l'assistance publique et on a des garçons plus difficiles à gérer. Et on le voit d'ailleurs dans les comportements et les pratiques des pupilles bellilois. Certains d'entre eux essaient de s'évader et ils sont beaucoup plus nombreux après le début du XXe siècle qu'au début. On le voit, dites-vous, les sources de cette colonie pénitentiaire ? Alors justement, c'est assez incroyable pour l'histoire des sources de la colonie de Belle-Île, puisqu'il y a eu pendant longtemps une sorte de légende qui disait qu'il n'y avait rien sur la colonie de Belle-Île. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de travaux historiques qui ont été faits avant ce que j'ai fait, ce qui est quand même étonnant vu la notoriété de l'établissement. En fait, en 1959, à la ferme de Brouté, donc qui accueille la section agricole, il y a eu un incendie qui a brûlé un bâtiment, ce qui n'est pas forcément un événement extraordinaire, sauf que ce bâtiment détenait les registres d'écrous, qui sont donc les documents dans lesquels on écrit le nom du détenu et tout un tas d'informations à son arrivée et à sa sortie, ce qui permet de créer des séries, et également les dossiers des jeunes détenus. Si bien qu'on se disait qu'il était impossible de faire une histoire de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer. Sauf que l'administration pénitentiaire adore la hiérarchie. Et tous les courriers qui partent de Palais en destination de Paris, doivent obligatoirement passer par la préfecture de Vannes. Et la préfecture de Vannes a gardé tout un tas, alors c'est des milliers de copies en fait, de copies de documents, de documents qui sont en doublon, et moi j'ai eu la chance de les étudier, et ça adjoint à ça quand même les chiffres de la statistique pénitentiaire, qui est une source absolument extraordinaire, qui permet de faire de connaître le quotidien des détenus, et qui est une source parfaitement fiable. Vous a permis, Julien Hélion, de faire une thèse et surtout cet ouvrage, Le Bataillon des Nuisibles, hein, c'est publié chez Jadis Éditions. C'est vrai que la question des sources se pose toujours, Véronique Blanchard, entre la source administrative, judiciaire, celle du système pénitentiaire, et la source qui est beaucoup plus intime, qui nous permet de comprendre comment ça se passait réellement à l'intérieur de ces colonies. Oui, alors c'est vrai que c'est plus compliqué pour le 19e siècle, même si pour Lilette à Guillaume, sur laquelle je suis en train de travailler, donc ce pénitencier à La Réunion, à travers les archives judiciaires qui sont d'une richesse extraordinaire, comme l'a si bien montré par exemple Arlette Farge, on va avoir la déposition des jeunes gens au moment où ils sont reçus au tribunal et il y a le jeu. Je m'appelle Timothée, j'ai 16 ans, je travaille dans une exploitation, mon engagiste est. Et donc, les archives judiciaires permettent de toucher l'intime et la parole des jeunes. Alors, c'est encore plus vrai pour le début du XXe siècle et bien sûr l'entièreté du XXe siècle, puisque là, la justice des enfants qui se met en place va donner de plus en plus la parole aux jeunes justiciables. Mais je pense que l'importance de cette histoire des colonies agricoles pénitentiaires, c'est ne pas seulement, et c'est ce à quoi Julien Hélion s'est beaucoup attaché, pas seulement faire l'histoire de l'institution, mais bien faire l'histoire de la trajectoire des pupilles qui y sont passées. Et la question assez inédite que soulève Julien et qui est très riche, c'est il y a Belle-Île, mais il y a avant Belle-Île et il y a après Belle-Île. Et donc la reconstitution de trajectoire, comme j'ai pu aussi essayer de le faire dans les années 50 pour les jeunes filles, et à mon avis, un pan de l'histoire très important. Vagabonde, voleuse, vicieuse, Véronique Blanchard, c'est votre ouvrage Adolescente sous contrôle de la libération à la libération sexuelle. C'est des destins, en fait, à retracer. Il y a ce moment dans la colonie pénitentiaire, et c'est vrai que vous avez raison de le souligner, il y a le avant et le après. Julien Hélion, vous vous êtes attaché à retracer ces destins. Voilà, on peut prendre l'exemple de l'un d'entre eux. Allez-y. Voilà, alors, par exemple, Raymond qui est né à Nantes en 1893, et c'est un orphelin de mère, sa mère décède lorsqu'il a 9 ans, son père est forgeron, et il est placé en apprentissage pour suivre la carrière de son père, qui visiblement ne l'intéresse pas beaucoup, puisqu'à 14 ans, on le retrouve dans les rues de Nantes, en train de mendier avec un individu plus âgé que lui, de 40 ans. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Il se fait arrêter, il passe devant le tribunal tribunal correctionnel de Nantes et son père est à l'audience. Si bien que le juge considère qu'il peut être rendu à sa famille. Son père semble montrer une certaine forme de garantie morale. Il est relâché, seconde chance pour Raymond. 6 mois plus tard, il est parti en Vendée avec un multirécidiviste condamné 17 fois. Il se fait arrêter. Tribunal de La Roche-sur-Yon, cette fois-ci, le père n'est pas là et c'est la colonie. Il arrive à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer en janvier 1908. Il n'a pas de chance puisqu'il est mêlé à un fait divers, à l'assassinat d'un gardien, alors qu'il n'a aucune espèce de responsabilité dans l'affaire. Et il est donc placé dans l'institution supérieure, celle qui est destinée aux incorrigibles, qui est la colonie correctionnelle de Gaillon, qui vient d'ouvrir en 1909. Il ne participe pas à la révolte de Pâques quelques mois plus tard, si bien qu'on considère qu'il est devenu obéissant. 1913, il est relâché le jour de ses 20 ans. Il passe 9 mois avec son père à Princquieu en Loire-Atlantique. 6 mois plus tard, en novembre 1913, il rejoint le régiment. En août 1914, c'est la guerre. Et quelques semaines après le début de la guerre, il est mort et s'est inscrit dans son registre matricule qu'il était volontaire pour toutes les patrouilles dangereuses. Est-ce qu'il a voulu aller au-delà de l'obéissance et quelque part en finir avec les institutions disciplinaires? Ce ne serait pas forcément étonnant. C'est toujours très émouvant d'écouter cette narration, ces témoignages de destin de jeunes garçons, en l'occurrence de jeunes filles aussi avec vous, Véronique Blanchard, parce que faut le dire, il y a beaucoup de souffrance. Il y a la souffrance dans la colonie pénitentiaire parce que la vie y est dure. Et puis, bah, il y a des coups quand même. Faut le répéter. Il y a le cachot. Enfin, c'est très dur à vivre. Mais cette souffrance trimballée par ces gamins. Oui, bah oui, c'est toujours compliqué, hein, bien sûr, pour l'historien de rester à distance de l'émotion et de la souffrance. Mais cette émotion, elle nourrit aussi nos travaux et nos recherches. Et oui, c'est ça qui est aussi important dans ces reconstitutions de trajectoire. C'est cette histoire de l'enfance populaire, prolétaire du 19e, du 20e siècle, les normes qui s'imposent à eux et elles, la manière dont l'institution réagit, et ce que ça produit ensuite sur les existences. Les anciennes des bons pasteurs racontent très très bien aujourd'hui ce que ça a eu comme incidence sur leur vie ensuite de femmes, d'épouses, de mères et de grand-mères. Et c'est quelque chose de très important de pouvoir le retracer à partir des archives pour pouvoir reconstituer la vie de ces enfants, non seulement à l'intérieur de l'institution, mais la souffrance, et souvent quand on peut les faire témoigner, ils le disent, la souffrance, elle peut avoir commencé avant et elle peut se poursuivre après. Je dis un mot aussi quand même du livre de Sorcha Landon qui vient de sortir, L'Enragé, qui romance l'histoire d'un jeune homme placé à Belle-Île-en-Mer, plutôt dans les années 30, mais qui montre bien le quotidien de l'enfant à l'intérieur de l'institution, les violences institutionnelles subies, mais tout ce qui s'est passé avant, pour expliquer à la fois le placement et la violence dans laquelle l'enfant peut déjà être, et puis tout ce qui va se passer après, quand on va essayer d'être dehors. C'est toujours un moment très particulier, hein, ce moment où ces enfants sont envoyés dans une colonie pénitentiaire, envoyés par l'autorité. Dites-moi, il y a une durée, parce qu'on sait que la majorité c'est 21 ans, mais pour certains ça dure moins. Comment ça se passe? La statistique pénitentiaire est précieuse dans ce cas-là. Hein. On est à peu près entre 4 et 8 ans de détention à Belle-Île, avec des garçons qui rentrent quand ils sont collégiens. C'est des collégiens lycéens de notre époque. Maintenant, il y a des possibilités de sortir un petit peu plus tôt. Il y a la grâce, bien entendu, et il y a surtout, qui est extrêmement rare, et il y a surtout les placements chez des particuliers. Et l'administration pénitentiaire adore utiliser ces placements, parce qu'imaginons un garçon qui est censé partir à 20 ans, l'administration pénitentiaire préfère le relâcher à 18 ans, le placer chez un particulier pour continuer à le contrôler. Il y a tout un tas de garçons qui restent à Belle-Île après leur majorité. Mais le meilleur placement, c'est bien entendu l'armée. Et le projet de l'administration pénitentiaire, il est de faire passer directement les pupilles bellilois de la colonie à la caserne. C'est le projet qui est défendu en théorie dans tous les écrits. Et quand on calcule le pourcentage de garçons qu'on amène directement à l'armée, il est de 20%. Si bien qu'il y a quand même 80% des garçons qui ne vont pas directement à l'armée. Ils iront de toute façon à un moment donné, hein, sauf les réformés. Donc on peut considérer, dans le projet en lui-même de la colonie, que c'est un échec, puisqu'il ne répond pas aux attentes. pour ce qui est des profils de jeunes filles dans les écoles de préservation et dans les bons pasteurs, on est à peu près sur les mêmes données que vient de donner Julien Hillion, c'est-à-dire des jeunes filles qui ont entre 15 et 21 ans et qui sont majoritairement sur des placements qui durent plus de 4 ans, 5, 6 ans. A priori, le projet, c'est quand même de les placer au moment où le juge le décide et de les relâcher à majorité, hein, donc à majorité civile, c'est-à-dire 21 ans, dans l'année des 20 ans. Donc c'est des très longs placements, des très longues durées. C'est toujours le cas dans la France du 20e siècle, du milieu du 20e siècle pour les jeunes filles. Et échec ou pas échec, ça dépend de là où on se situe, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, pour les jeunes filles, en comparaison avec ce que vient de dire Julien Hillion, on a le projet d'en faire des femmes domestiques. C'est au mieux, ça sera des femmes domestiques. On a le projet de les placer, là aussi, chez des patrons. Et très souvent, la jeune fille ne va pas rester très longtemps dans la place qu'on lui aura trouvé, et il va y avoir un certain nombre de déboires à la sortie du bon pasteur. Donc là aussi, on peut se demander si parfois le bon pasteur n'arrive pas exactement à l'inverse de ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire que la jeune fille va parfois être dans des grossesses précoces, dans de la prostitution, dans du vagabondage, ce qui est exactement l'antinomie de ce qu'on souhaitait au départ. Les bagnes pour enfants, ces colonies pénitentiaires pour redresser, pour casser les esprits forts. Mais nous allons vite voir que dans ce temps de la colonie pénitentiaire, certains relèvent la tête. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, schnappant, qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des enneigeants qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis, il avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qui est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voyou, voleur, schnappant, ces messieurs sur le rivage sans bredouille et vert de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant, rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Marianne Oswald qui chantait La chasse à l'enfant, un poème. Poème de Jacques Prévert, musique de Joseph Kosma. Nous étions dans les années 30-1936, c'est-à-dire quelques années, deux années après une révolte. Julien Hillion, ces enfants de Belle-Île, là on en entend un, La chasse à l'enfant, qui s'est sauvé. Il partait parfois. Belle-Île, c'est dur de partir. Il partait effectivement. On compte 401 évasions entre 1880 et 1910. Simplement, ces 401 évasions sont des évasions tentées. Parmi les évasions, on en trouve 84 qui sont consommées. Bon, ils ont réussi à partir pendant un travail agricole. Le gardien les voit, les rattrape pas tout de suite. On lance un petit peu une procédure pour les rattraper. Et finalement, sur ces 84 évasions qui sont consommées, il n'y en a que 7 jusque 1905, là où change la population. Mais des évasions complètes, quand on sort de l'île, il y en a 14, dont une seule entre 1880 et 1904, quand ce sont encore des mendiants, des vagabonds, des petits voleurs. J'ai l'exemple du pupille Croisier en 1888, c'est lui qui sort de Belle-Île, qui vole un bateau, qui est forcément stigmatisé puisqu'il a le costume de pupille et les cheveux rasés. Espérons pour lui qu'il ait quand même volé quelques vêtements pour réussir son évasion. Il arrive à Etel, pour celles et ceux qui connaissent. Franchir la barre d'Etel en bateau, c'est un exercice extrêmement périlleux. Il arrive dans le port d'Etel, mais le directeur a prévenu les gendarmes de Lille, les mairies de Lille et les gendarmeries du continent qui sont prévenus par télégraphe. Si bien qu'il n'a pas le temps d'accoster, qu'il est déjà attrapé par la gendarmerie. Et au fil des années, les pupilles mettent en place des stratégies de survie. Quand ils sortent, ils coupent les fils télégraphiques. Ça leur donne du temps. L'évasion à Belle-Île est possible, mais Belle-Île n'est pas Alcatraz. Hein, Belle-Île n'est pas Alcatraz, mais c'est très compliqué quand même de sortir. Ce sont des gamins, 8 à 21 ans. Parfois, vous avez des garçons qui adoptent pour cette stratégie d'évasion de prendre un groupe de petits, un pupille qui est grand, qui prend les vêtements d'un adulte et qui passe pour un gardien. Et ça peut marcher. Ils ont vraiment des apparences d'hommes faits. On voit sur les photos et les cartes postales, on n'a pas du tout l'impression que ce sont des petits garçons. Hein. Ce sont des garçons qui sont parfois des forces de la nature et qui n'ont pas de problème, qui n'apparaissent pas du tout comme des enfants. Ah bah oui, c'est sûr qu'à 18, 19, 20 ans, on peut être drôlement costaud, Véronique Blanchard. Dans cette étude de ces enfants, dans ces colonies pénitentiaires, ou que ce soit pour les jeunes filles dans des institutions spécialisées, c'est aussi incroyable les stratégies mises en place, j'allais dire par ces victimes, ce ne sont pas des victimes, si quelque part sont des victimes en fait, de ce système-là, ils mettent en place des stratégies folles pour survivre. Oui, exactement. Et c'est vrai que vous avez raison d'hésiter sur le mot victime. Je pense qu'ils sont à la fois victimes d'un système et de maltraitance institutionnelle et parfois rebelles et extrêmement résistants et résistantes. Et donc, il y a des stratégies à l'intérieur de l'institution pour survivre. La solidarité entre les enfants est extrêmement compliquée. Hein. Elle est combattue par l'institution, mais ça existe. On a pour les jeunes filles des petits mots, des petits bifetons, comme disait Albertine Sarrazin, qui se passent entre elles pour se soutenir, pour se dire son amour parfois, pour se dire son amitié en tout cas. Il y a des solidarités qui peuvent arriver aussi, par exemple, quand un enfant est envoyé au mitard pour tenter tout de même de faire en sorte qu'il ait de quoi manger, etc. Et puis, il y a des solidarités pour se rebeller. C'est ce qu'on voit en août 34 à Belle-Île ou pour s'enfuir. Donc oui, il y a des réelles stratégies de ces jeunes gens pour essayer de résister à la violence institutionnelle des colonies. Oui, en 1934, une révolte à Belle-Île. Ça vous coûtera cher, petit malheureux. On connaît le tarif. T'as entendu la sirène, hein? Bah, toute l'île est en alerte. Il y a des gendarmes partout. Mais je m'en balance, j'ai ma planque. Eh oui, il a sa planque, mais est-ce que ça suffira? La fleur de l'âge, c'est une fiction radiophonique en 1997, à partir d'un scénario de Jacques Prévert, un scénario qui était destiné à un film de Marcel Carné, un film qui n'a jamais été terminé. C'est quoi, Julien Illion, cette révolte de Belle-Île? Alors, cette révolte de Belle-Île, c'est un événement extrêmement violent et sans aucun doute le plus violent, en tout cas pour Belle-Île et j'imagine même pour le reste des colonies pénitentiaires. C'est 27 août 1934, il est 19h. Les pupilles de la maison d'éducation surveillée, puisque la colonie a changé de nom en 1927, se rendent au réfectoire. Avant de rentrer, il y a déjà un certain brouhaha, un certain chahut. Ils entrent et là, le chahut redouble. Des verres sont jetés, des assiettes sont lancées. Les gardiens sont un petit peu molestés. Bon, 48 heures d'arrêt de travail pour une petite blessure à la tête. Enfin, ils sortent du réfectoire. Et là, ce qui est absolument étonnant, c'est que, parce qu'on imagine que tout est fermé, évidemment, qu'ils peuvent pas sortir. Il y a des travaux à Haute-Boulogne. La toiture est en train d'être refaite. Les ardoises sont en train d'être refaites. Et les couvreurs ont laissé les échelles. Alors, contrairement à ce qui est parfois dit, ils inventent pas des fausses clés pour ouvrir les portes. Ils prennent les échelles, ils passent par-dessus le mur. Et ils sortent. Ils sortent à 56 détenus sur 300. Ça veut dire que, évidemment, tout le reste de la colonie est en insurrection. Il n'y a pas juste 56 gamins qui ont fait du chahut. Ils sortent et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système classique se met en place de traque, hein, en fait. Donc, gendarmerie, mairie, continent, etc. Mais comme ils sont très nombreux, la population vient s'ajouter, ainsi que les militaires. Il y a une caserne à Palais. Et on trouve notamment 3 Bellilois, armés d'un fusil de chasse, qui récupèrent 27 garçons. Mais sans aucune violence de la part des garçons. Il n'y a eu aucun délit de commis par ces enfants. Ils sont ramenés à la colonie. Et les gardiens n'acceptent pas d'abord le fait qu'ils soient partis à 56, qui est quand même pour eux un problème énorme, mais surtout ils demandent les garçons à rentrer par la grande porte, et les gardiens veulent les faire passer par la porte de service. Et c'est le prétexte qui est donné par le directeur dans les sources administratives pour dire ce qu'ils ont fait. Ils les ont dévêtus. Alors c'est pas écrit s'ils sont nus, mais je pense qu'ils sont nus parce que les tenues sont tellement légères qu'ils sont, en plus on est au mois d'août, ils sont dévêtus, ils sont menottés par 3. Et ils sont frappés, c'est les sources administratives internes à l'établissement qui le disent, c'est pas la presse, à coups de cordes, de nerfs de bœuf, de matraques en caoutchouc et de ceintures. C'est absolument violent, 56 garçons violentés. Et donc, ils sont placés en cellule. Au départ, la presse, dans les premiers jours, traite l'information de manière tout à fait classique. 56 détenus sont partis, il en reste 40 encore, 40 sont rentrés, il en reste 16. On a un petit décompte comme ça. On est encore dans les vauriens. Et puis, notamment un article de l'Ouest Éclair, on a un changement d'opinion à l'intérieur de cet article qui commence par nous dire que on a des épaves de la vie. C'est une terminologie qui est souvent utilisée pour parler des garçons. Et cet article qui finit par « Ces enfants sont au bagne pendant que nos enfants sont en vacances ». À partir de là, il y a un changement de point de vue. Et des députés s'en mêlent, notamment Louis Rollin, qui écrit au garde des Sceaux, qui monte à la tribune. Et on a un changement total de l'opinion publique qui commence à contester en fait l'existence des bagnes d'enfants dans les années 30. En revanche, il n'y a aucun changement sur le long terme. Par contre, l'administration pénitentiaire, ce qui peut nous paraître aujourd'hui pas grand-chose, mais ce qui à l'époque est absolument énorme, prend de véritables mesures. 4 blâmes, 5 renvois de... enfin, mutations de gardiens, 6 radiations de gardiens, c'est considérable. Et surtout, le directeur, qui n'est pas radié, mais qui est muté, qui se voit baisser son avancement, et le premier surveillant qui est radié. Ce sont des sanctions qui sont exceptionnelles pour l'époque. Ce qui veut dire que l'opinion publique s'émeut de ce qui se passe dans ces colonies pénitentiaires. Cette expression, un bagne pour enfants, on la lit dans la presse des années 1930. Et en 1947 encore, la presse, à travers la radio, s'émeut de ces colonies. Tribune de Paris. La Tribune de Paris présente ce soir les pièces du dossier 2. Mais comment les appeler au juste? Ce furent longtemps et simplement les maisons de correction, les colonies pénitentiaires. Leurs adversaires, et elles en eurent, les nommèrent les bagnes d'enfants. Elles devinrent ensuite les maisons d'éducation surveillées. Elles auraient reçu aujourd'hui une nouvelle dénomination. Ce seraient les maisons de rééducation professionnelle. Le premier témoignage auquel nous faisons appel ce soir est celui de M. Alexis Danan, journaliste qui s'est spécialisé dans cette question de la jeunesse délinquante. M. Danan, je vous en prie. J'ai connu les maisons de rééducation avant la guerre. Et c'est ma fierté de pouvoir dire que je suis à l'origine des mesures qui ont amené la fermeture de certaines d'entre elles. Je sais qu'un très grand effort a été entrepris pour la modernisation de ces maisons. Mais il restera à envisager si l'État, si les pouvoirs publics sont à la hauteur de leurs responsabilités lorsqu'il s'agit de défendre l'enfance prédélinquante au bord de la déchéance. La Tribune de Paris en 1947. L'opinion publique est choquée. Julien Illion, la notion même de bagne pour enfants, on la voit apparaître à partir alors, de quand ? On la voit apparaître dès le début du XXe siècle en réalité, même si la première campagne de presse est plutôt localisée en Bretagne après la mort d'un pupille à Belle-Île. Cette expression bagne pour enfants est reprise dans les années 30 et j'ai quand même l'impression que même si les mesures ne sont pas immédiates, il y a tout un personnel politique et tout un tas de journalistes, toute une génération qui vont pour certains d'entre eux, entrer dans la résistance, qui sont fortement sensibilisés à cette question. Et ils ne sont pas pour rien dans l'ordonnance de 1945, qui modifie quand même, pour le coup, considérablement la manière de fonctionner, sans enlever les violences, hein, la manière dont fonctionnent les maisons de correction. Tout ça, ça a quand même... Pas immédiatement, l'administration pénitentiaire est très lente hein, pour tout. Même pour autoriser l'achat d'un journal, il faut 5 courriers. Hein, donc c'est très très long. Mais quand même, il y a une prise de conscience dans tout un milieu. Véronique Blanchard, après la Seconde Guerre mondiale, que deviennent alors ces colonies pénitentiaires, mais qui ont changé de nom ? Parce que c'est bien, on camoufle ainsi. Oui, c'est très très bien de changer les termes pour essayer de dire qu'on réforme. Donc il y a eu une première réforme, comme l'a dit Julien Illion, en 1927. Et on est passé de colonies agricoles pénitentiaires à maisons d'éducation surveillée. Puis on va reprendre ce terme à partir de 1945. L'éducation surveillée va devenir une direction à part entière de l'administration pénitentiaire et les Belle-Île-en-Mer va devenir un internat public ou un internat professionnel de l'éducation surveillée. Ces institutions ont une très longue existence. Et donc Belle-Île-en-Mer, bien sûr, en 1945, se réforme puisque l'ordonnance de 1945 a été promulguée. Il y a des juges des enfants, il n'y a plus de surveillants mais des éducateurs. Il y a la volonté d'éduquer, de rééduquer les enfants. On ne parle plus de redressement. Mais quand on écoute et quand on lit des témoignages de jeunes placés à Belle-Île-en-Mer dans les années 47, 50, 55, comme Jean Fayard, par exemple, on se rend compte que les murs ont une histoire et que l'institution disciplinaire de Belle-Île reste extrêmement réelle pour les enfants des années 1950. Je voudrais vous faire écouter une archive très émouvante, c'est Jean Genet, donc Jean Genet qui a été colon à Maitrey, et qui parle, on est en 1986, on est quelques jours avant sa mort, et il évoque ces terribles murailles de Maitrey qui n'existent pas. Une des finesses des inventeurs de la colonie de Maitrey, c'est d'avoir su ne pas mettre de murailles. Quand nous étions à Maitrey, il n'y avait que des haies de laurier et des bandes de fleurs, de guets et de pensées. Il est beaucoup plus difficile de s'évader quand il s'agit de traverser un parterre de fleurs que de traverser une muraille. Donc, d'une certaine façon, les inventeurs de Maitrey n'étaient pas complètement sots non plus. Ils avaient inventé cette poésie, ils nous avaient terrorisés avec des pensées, des œillets, des lauriers, etc. Les Genets, c'est particulièrement en Bretagne, à Belle-Île, pourquoi pas, mais Jean Genet, lui, c'est à Maitrey. Véronique Blanchard, c'est très beau cette archive-là, hein. Ça montre la vision aussi de ceux qui ont enfermé ces gamins. Oui, Jean Genet, il dit très bien là le paradoxe, j'ose le mot, j'exagère un tout petit peu, mais la perversité de la chose. C'est-à-dire qu'on dit à ces enfants qu'ils ne sont plus des détenus, qu'ils ne sont plus dans du pénitentiaire et du carcéral. Ils se retrouvent dans des grandes institutions qui n'ont pas l'architecture carcérale, même si à Belle-Île, c'est un peu plus compliqué, mais à Maitrey, c'est sûr. Et en même temps, l'enfermement est totalement là, la discipline est totalement là. Donc il y a une sorte de paradoxe entre le lieu, soi-disant idyllique, dans lequel ils sont, ouvert pour les former, pour les redresser, pour leur donner une nouvelle chance, et la réalité d'une discipline extrêmement violente et autoritaire. Et moi, la voix de Jean Genet, en plus, à la toute fin de sa vie, est très émouvante. Il y a aussi Raoul Léger, qui a été placé à peu près au même moment que Jean Genet, qui a raconté ses souvenirs, qui est retourné à 90 ans sur les lieux à Maitrey, et qui explique lui aussi très bien ce quotidien dans une institution belle, mais terrible. Quand on voit les témoignages laissés par ceux et celles qui ont connu ces endroits particuliers, on sent combien ils étaient un moment de l'histoire pénitentiaire pour Belle-Île-en-Mer. Quel moment ça prend fin ? Belle-Île-en-Mer, alors c'est 1977, hein, la fermeture de l'IPES. l'institution professionnelle d'éducation surveillée, avec les gardiens qui ont été remplacés par des moniteurs en 1928 et ensuite par des éducateurs en 1947. Mais pour avoir eu au téléphone certains survivants qui étaient dans les années 70, les méthodes étaient encore, en tout cas du point de vue des institués, parce que bon, c'est pas toujours le même du point de vue des éducateurs, visiblement encore assez violentes, hein, même dans les années 70. Oui, parce que c'est vraiment ça que l'on sent en lisant vos travaux. Vous, Julien Hélion, le bataillon des nuisibles, c'est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Vous, Véronique Blanchard, vagabonde, voleuse, vicieuse, ces adolescentes sous contrôle, c'est de la libération à la libération sexuelle. Mais on voit qu'il y a une tendance générale qui demeure et qui bouge un peu dans ces années 60-70, mais c'est lent. C'est lent et puis je pense que c'est très important, on l'a dit sans le dire, de réfléchir à la question des représentations, du regard posé par la société sur ces enfants. Et je pense que si la révolte de Belle-Île a cet écho dans la presse, c'est qu'on est à un moment, après la Première Guerre mondiale, où on perçoit la jeunesse de manière très différente d'avant la Première Guerre mondiale. Et la menace de la jeunesse est nettement moins importante dans cet entre-deux-guerres. Pareil pour les années 1945, si les réformes sont possibles, de manière pour aller vers l'éducatif, même si on va mettre du temps, c'est parce que la France vient de subir la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, la perception de la jeunesse a changé. Merci vivement à vous deux, Julien Hillion. Merci à vous, Véronique Blanchard. Vous êtes enseignante-chercheuse. Vous enseignez à l'Université d'Angers. Et avec vos ouvrages, c'est pas seulement l'histoire des colonies pénitentiaires, de ces centres, c'est aussi l'histoire d'un regard porté sur la jeunesse. Merci beaucoup. Il est temps d'un nouveau regard, d'un autre regard. Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Comment vivaient les artistes sans qualité au XVIIIe siècle? Parmi les oubliés de l'histoire, j'évoquerai aujourd'hui le cas des peintres et sculpteurs sans qualité qui ont pourtant joué un rôle essentiel dans le développement des activités artistiques au XVIIIe siècle. Pour comprendre ce que pouvait signifier le fait d'être présenté comme un artiste sans qualité sous l'Ancien Régime, il faut commencer par dire un mot sur la façon dont était organisé le monde des arts. Tous ceux qui pratiquaient la peinture ou la sculpture, qu'ils soient artisans, marchands ou artistes, dépendaient en principe du système corporatif qui régissait les activités artisanales. Les artistes sans qualité étaient désignés ainsi par les autorités parce qu'ils n'étaient pas affiliés à une communauté de métiers. Travaillant en secret, sans qu'aucun titre officiel ne les y autorise, ils échappaient au pouvoir des corporations et aux taxes qu'il fallait acquitter pour en faire partie. Étant donné qu'ils étaient perçus comme une menace, les maîtres de la communauté de métiers intentaient fréquemment des procès contre ceux qui étaient présentés comme des usurpateurs ou encore des faux ouvriers. En 1648, la fondation de l'Académie royale aggrava ces conflits car elle entraîna la création d'un statut officiel réservé aux artistes dont l'un des buts affichés était de les protéger contre les poursuites de la maîtrise parisienne. En vertu d'un privilège royal, les académiciens n'étaient pas soumis au droit commun du travail, ils échappaient donc au contrôle de la communauté de métiers. Les artistes sans qualité furent alors placés au centre des rivalités opposant l'Académie et la Corporation, chacune des deux institutions s'efforçant d'affirmer sa supériorité au sein de l'espace des beaux-arts. On estime que, dans les années 1760, rien qu'à Paris, le nombre des académiciens et des maîtres, membres de la communauté des métiers artistiques, était certainement supérieur à 1300 individus. Si on ajoute les compagnons et les apprentis qui travaillaient pour ces maîtres, le total dépassait sans doute les 4000 travailleurs incorporés. Mais ceci ne représentait qu'une petite partie des effectifs de ce milieu professionnel. Comme l'a montré l'historien américain Stephen Kaplan, en effet, à cette époque, il y avait infiniment plus de travailleurs de toutes sortes en dehors du monde incorporé qu'au-dedans. S'il n'est pas possible de savoir combien d'artistes sans qualité œuvraient clandestinement dans les innombrables ateliers de la ville, il est certain qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui disposaient d'un statut légal. Les effectifs des artistes sans qualité ne cessèrent de grossir tout au long du XVIIIe siècle, à tel point qu'ils jouèrent un rôle important dans la mise en question du système corporatif, bien qu'ils ne l'aient pas exprimé dans le langage politique des élites. l'édit de Turgot supprimant les corporations, adopté en février 1776, peut donc être vu comme l'aboutissement des aspirations de ce monde sans droit. C'est un exemple qui montre comment des hors-la-loi, vivant en marge de la bonne société, ont été souvent les acteurs silencieux des bouleversements qu'a connu notre histoire nationale. Merci beaucoup Gérard Noiriel d'avoir mis le Turgot. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Anna Holweck, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Émission préparée par Anne Toscan-Vudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. À écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.